Yeah. J'ai trop fini de la terre, j'avais plus rien à faire ici. La vie ne me désespère, c'est pas pour autant que je ris. Je suis le feu, je crée la foudre quand la lumière et l'ombre s'unit. Alors je n'approche les de mon sens quand je suis endormi. J'ai trop vite quitté la terre, j'avais plus rien à faire ici. La vie ne me désespère, c'est pas pour autant que je ris. Je suis le feu, je crée la foudre quand la lumière et l'ombre s'unit. Alors je n'approche les de mon sens quand je suis endormi. J'avance, oui j'avance, mais je ne sais plus vers où. J'avance man, derrière une porte sous les verrous. Mes repères, mes rêves se sont mis à genoux. Le couteau sur la gorge, les oreilles, poussé à bout. J'évolue dans des milieux où l'ombre des désespoirs au fur évolue la haine de la jeunesse d'un soir. Qui porte le chapeau à nous, qui sont les responsables. Nous sommes partisans d'un moyen d'une vie plus que minable. Écœuré par ce système, je tente de m'évader. Les pleurs et les plaintes ont fait de moi un rescapé. Vous êtes traqué comme un animal, je suis en ce bas monde, je dévalerai. Les grandes collines de l'âme, c'était décrit, je les abattrai. J'ai trop vite quitté la terre, j'avais plus rien à faire ici. La vie ne me désespère, c'est pas pour autant que je ris. Je suis le feu, je crée la foudre quand la lumière. Alors je n'approche les feux de mon sens quand je suis endormi. J'ai trop vite quitté la terre, j'avais plus rien à faire ici. La vie ne me désespère, c'est pas pour autant que je ris. Je suis le feu, je crée la foudre dans la lumière et l'ombre s'unit. Alors je n'approche les feux de mon sens quand je suis endormi. Entre le soleil et la pluie, ouais. Entre les putes et les amis, ouais. Entre les proches qui m'apprécient, puis les bitches qui profitent. J'ai vu s'écarter les frais et revenir les faux. Je me suis écarté, même si ce fut un défaut. Entre ma bulle et mon peura, entre les concerts et les boîtes. Entre les potes dans les halls, les mecs qui déboîtent. Entre les gars qui m'épaulent et les autres qui parlent. Moi j'ai dû faire un choix, j'ai choisi tout mais j'ai vu des petits qui chicotent et des coups de ceinture. Entre tous les bons moments et puis trop de blessures. Des mecs qui déconnent et puis d'autres qui assurent. Des moments de faiblesse et puis ce goût d'amertume. Entre eux, ça fait des chaînes ou aller traîner dehors. J'ai préféré rester chez moi pour ne pas prendre le décor. Entre le bien, le mal, les anges, les démons. J'ai dû faire mon choix, c'est de penser à demain. J'ai trop vite quitté la terre, j'avais plus rien à faire ici. La vie ne me désespère, c'est pas pour autant que je ris. Je suis le feu, je crée la foudre quand la lumière et l'ombre s'unit. Alors je n'approche les de mon sens quand je suis endormi. J'ai trop vite quitté la terre, j'avais plus rien à faire ici. La vie ne me désespère, c'est pas pour autant que je ris. Je suis le feu, je crée la foudre quand la lumière et l'ombre s'unit. Alors je n'approche les de mon sens quand je suis endormi. J'ai trop vite quitté la terre, j'avais plus rien à faire ici. La vie ne me désespère, c'est pas pour autant que je ris. Je suis le feu, je crée la foudre quand la lumière et l'ombre s'unit. Alors je n'approche les de mon sens quand je suis endormi. J'ai trop vite quitté la terre, j'avais plus rien à faire ici. La vie ne me désespère, c'est pas pour autant que je ris. Je suis le feu, je crée la foudre quand la lumière et l'ombre s'unit. Alors je n'approche les de mon sens quand je suis endormi.